matin, Francky vous file un coup de main en direct sur 96.2 FM. Hola, bon dia la planète et la familia. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable nuit. Pas facile de dormir en ce moment avec ces grosses chaleurs. Et bien justement, aujourd'hui, mercredi, le jour des enfants, et bien on met ça, hein, de belles chaleurs sur Orléans. On va dépasser quand même les 35-36 degrés. Donc n'hésitez pas à vous hydrater si vous allez au bureau, si vous allez bosser sur le chantier surtout. Et bien prenez pas mal de flotte, c'est ce que me dit Nathalie qui me dit, ça y est, départ pour le boulot, Francky, j'y serai dans moins de 15 minutes, belle journée à toi Nathalie, merci pour ton petit message à 7h du matin, ça me fait vraiment plaisir. Le coup de main du matin, je vous le rappelle, l'émission tous les matins, 7h-9h, si vous avez besoin d'un coup de main, besoin d'un électricien, d'un plombier, je ne sais pas, d'une nounou peut-être à la dernière minute, besoin de réparer votre bagnole par exemple, et bien vous m'appelez 02 38 43 48 00 et on lance le message à l'antenne. Peut-être qu'on pourra vous filer un coup de main, mais même, j'en suis sûr. Le coup de main du matin, c'est Francky dans la radio. Le matin, Francky vous file un coup de main en direct sur 96.2 FM. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. See matin, Francky vous file un coup de main en direct sur 96.2 FM. Camisa Negra, la chemise noire, je vous la déconseille ce matin avec la chaleur qu'il va faire. Plutôt une chemise blanche ou alors un t-shirt, ouais, c'est bien. La météo qui arrive. La météo. Eh bien, aujourd'hui, le soleil sera au rendez-vous, d'ailleurs, comme toute la semaine. Des températures plutôt pas mal ce matin au réveil, 15-16 degrés. On devrait frôler cet après-midi les 35-36 degrés sur Orléans, La Chapelle-Saint-Mémin, Olivet ou encore Pithiviers. Voilà une bonne nouvelle si vous allez bosser ce matin en short, peut-être. On tombe encore en mode vacances, c'est ce que nous dit justement Edouard. Salut Francky, belle journée à toi. Moi, c'est le mode Bermuda pour ce matin. Bah, voilà, en tout cas, on vous souhaite une très très bonne matinée. Salut à Benoît qui nous écoute, Benoît Billard. Ouais, mon ami, salut, j'espère que tu vas bien, mon ami. Benoît qui était notre invité lundi avec Alex Wagner et Nordina Tab, la bande FM du Loiret qui nous écoute tous les matins. Merci mon ami d'être là. Le coup de main du matin, vous avez besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit coup de main, besoin d'un dentiste par exemple, besoin d'un mécanicien auto, eh bien vous m'appelez 02 38 43 48 00, on va lancer l'appel à la radio et peut-être qu'on va vous filer ce coup de main ce matin et vous rendre service. Ça va vous faire plaisir, j'en suis sûr. Le coup de main du matin, c'est Francky, 7h-9h. Le matin, Francky vous file un coup de main en direct sur 96.2 FM. Du matin sur le 96.2 FM. Évidemment, et ces batailles dont on se fout. C'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure. Qui change tout, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Conseil, belle journée, 7h16, France Gall avec évidemment écrit par Michel Berger en 1987 pour malheureusement le décès de Daniel Balavoine sur le Paris-Dakar. Le couple avait décidé d'écrire ce titre pour leur ami qu'ils adoraient, qu'ils affectionnaient. Voilà le petit clin d'œil de la matinée, moi c'est Isabella sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée et bon réveil. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Eh ouais, je peux même faire le coq ce matin, si vous voulez, pour vous réveiller. Beaucoup ne sont pas réveillés, hein, c'est ce que nous dit les renards. Bah, moi, mon fils n'a pas d'école aujourd'hui, donc encore la grasse mat, au moins jusqu'à 9h. Bah, bonne grasse mat, Léonarda. Belle journée à toi aussi. Tu peux nous appeler 02 38 43 48 00 si vous voulez passer un message ce matin. Si vous voulez, le coup de pouce de Francky peut vous aider, le coup de main du matin. Vous avez besoin d'un dentiste, besoin d'un mécano, besoin, je ne sais pas, peut-être d'un avocat, peut-être d'une nounou, tiens, pour ce week-end. Eh bien, vous m'appelez au 02 38 43 48 00, le coup de main du matin. On va parler de la soirée qui va arriver ce week-end du 16 et 17 septembre prochain. Les Santos Populaires, la grande fête de la radio arc-en-ciel, ça sera au parc de Lignerolle sur deux jours, 16 et 17 septembre, avec pas mal d'artistes, hein, Leon Cruz, Claudia Caramel, hein, il y aura aussi les Bambos Amigos de Portugal, Luis Manuel, Capanegra, et puis j'en passe, Prince Tuga, et puis Francky apparemment il va mixer aussi un petit peu, donc un bon week-end qui s'approche dans moins de 15 jours au parc de Lignerolle à Fleury-les-Aubrais. Ne ratez pas ce bel événement avec Radio Arc-en-Ciel le 16 et 17 septembre prochain. C'est totalement gratuit. Le parc vous a été ouvert. Merci à la vient de Fleury-les-Aubrais, Carole Canette. Et on va faire la fête ensemble. On va danser, on va chanter, on va manger, on va boire un petit peu sans alcool. Hein. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais en tout cas, nous, on sera là pour faire la fête avec vous le 16 et 17 septembre prochain. À ne pas louper le coup de main du matin. Ne l'oubliez pas. Francky, le coup de main du matin sur le 96.2 FM. Suelta como... soy su gato. Ella es mi gata en celo. Quiere buscar revoleo del pueblo. Quiere a mí que no le gusta el plineo. Y cuando canto hasta abajo con mi perreo. Por ahí anda su novio en un fantasmeo. ¿Verdad? Que esta noche va a haber un tiroteo. Dile que yo ando con mi gato en el patrullero. Ya que se la han bajurado, me lo llevo. Dale, dale, don, dale. Pa' que se mueva la llave. Radio Arc-en-Ciel, 7h28 minutes en direct ce matin, 96.2 FM. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses à nous écouter. Noémie qui va bosser dans quelques minutes. Bon courage à toi, Noémie. Et puis belle journée sous le soleil, 35 degrés, c'est plutôt pas mal. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Le réveil matin, puis le coup de main du matin aussi, on est là jusqu'à 9h pour vous aider, vous entraider, vous filer un petit coup de pouce, un petit coup de main. Si vous avez besoin d'un service, eh bien, on peut peut-être exaucer votre vœu. Ce matin, vous nous appelez au 02 38 43 48 00 et on peut vous filer un coup de main en lançant un appel à la radio. Bah oui, c'est ce que Steve, tiens, on aura Steve tout à l'heure. On aura Paul aussi au téléphone avec nous qui a un problème avec son vélo. Bah on va essayer de le régler, le problème de Paul tout à l'heure, aux alentours de 7h40, 7h45, du 20 au 24. C'est le Festival de Loire à Orléans, la 11e édition. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, vous savez qu'en ce moment, il y a la remontée de la Loire. C'est du 1er au 20 septembre. On aura Sénabom avec nous au téléphone qui est actuellement sur un bateau sur la Loire. On ne sait pas où il est encore, mais on sera en direct avec lui tout à l'heure à 8h15. Sénabom sur Radio Arc-en-Ciel pour nous parler de cette belle remontée de la Loire qui a démarré le 1er septembre pour arriver à Orléans le 20 septembre. Sénabom quelque part sur ce beau fleuve, la Loire. On sera en direct à 8h15. Avec lui, du son qui arrive, Jimmy Ayaman ou A. Ça me rappelle des bons souvenirs. À l'époque, on zoukait un petit peu dans les clubs. Belle journée et bon réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Cette nuit. calmer le gnial. Tu veux savoir pourquoi faut pas ça part en freestyle. Parce que one, tu seras toujours ma number one. Tour, oublie les jaloux, on s'en fout. Tu es, c'est toi qu'il me faut à tout prix. Mon cœur le crie sans toi, c'est du retour, tout est gris. J'ai les fourrés, je ferai tout pour que tu m'aimes encore. Caresser à nouveau ton corps le soir quand tu dors. 5, 6, 7, 8, 9, je suis canane. Quand j'y pense, la tristesse me gagne. Hey, gars, écoute-moi. Du matin sur le 96.2 FM. Un coup de main en direct sur 96.2 FM. Pasado. No voy a ver. C'est bien aussi d'aller en vélo au boulot en bicyclette. Ouais, ça fait du bien pour la santé. Le matin, Francky vous file un coup de main en direct sur 96.2 FM. Bon, on essaye, hein, c'est pas moi personnellement, mais les auditeurs peuvent peut-être aider des personnes sur Orléans, Saint-Jean-de-Bray, Pithiviers, la chapelle Saint-Mémin. On peut vous aider le coup de main du matin. On est avec Paul au téléphone. Bonjour Paul. Bonjour, comment tu vas Francky? Bah merci, toi, bien? Eh ben écoute, ça va bien justement. Je t'appelle pour un petit coup de main ce matin. Ah bon, avant, comment s'est passée la rentrée là? Ça a été, t'as repris le boulot là, ben, depuis quelques jours? Ouais, ça y est, j'ai repris le boulot. Ça va, il y a du monde et ils sont là, les gens sont au rendez-vous. Et toi justement, tu vas au vélo, au boulot en vélo, pardon, à l'inverse? Exactement, je vais au boulot en vélo. Ah bah. Là, et j'avais reçu un ordinateur lundi à la radio, tu vois, il préconisait de prendre le vélo pour aller bosser le matin. C'était excellent pour la santé, c'est vrai que ça fait du bien. Et puis c'est bon pour la planète aussi. Exactement, on est d'accord, ça c'est bon pour la planète, il faut le dire. Le coup de main du matin, toi t'as des problèmes avec ton vélo, qu'est-ce qui se passe? Eh ben moi, je t'appelle parce qu'en fait j'ai un souci, c'est que mon vélo n'arrête pas de dérailler. Et c'est un peu le galère pour aller bosser le matin, je t'avoue, c'est complexe. Et moi je me souviens quand... Quand j'étais jeune, j'allais à l'école en vélo aussi, et il déraillait souvent, et c'était vrai que c'était un peu pénible de remettre la chaîne avec les mains. En plus, ça a plein de cambouilles après. Ouais, c'est total galère. J'avoue, le matin, comme ça, tu pars au boulot, t'as le vélo qui déraille deux, trois fois. Tu m'étonnes, tu vas arriver au boulot avec les mains toutes noires. Ah ouais, c'est ça, la restauration, ça le fait pas. Hein. Alors, il y a des bons plans. Alors, j'ai vu un bon plan à Orléans, ça se passe place du Martroi, j'ai fouillé un petit peu. Je crois qu'Orléans Métropole répare les vélos gratuitement, place du Martroi, l'après-midi. Il y a un petit stand qui s'appelle Vélo en selle, si je me trompe pas. Donc ça, c'est déjà un bon plan, le premier. Et puis le deuxième, ben on va lancer l'appel ce matin, Paul, si tu veux. Si y a des réparateurs de vélo qui nous écoutent, ou des spécialistes, hein, parce que des fois, tu as des spécialistes du vélo qui réparent eux-mêmes leur vélo. Eh bien, vous pouvez nous joindre. C'est ça, des geeks du vélo. Ouais, c'est ça, du vélo. Vous pouvez nous appeler à la radio au 02 38 43 48 00. On pourrait filer un coup de main à Paul ce matin. Mais sinon, tu peux te rendre place du Marfroid à Orléans. On va peut-être trouver la solution. Ça. Ouais, ça, c'est des bons plans. C'est un bon plan. Ouais, ça peut être bien. C'est un bon plan parce que c'est vrai que c'est pratique pour ceux qui ne savent pas, etc. Le matin, tu peux directement te rendre. Ouais. Voilà, le vendredi, c'est intéressant. C'est le vendredi, ouais. Le vendredi, c'est un bon plan. On peut peut-être réparer ton vélo ce vendredi. Alors, essaye ce premier plan. Et puis, on va aussi lancer l'appel s'il y a des mécaniciens vélo. Je ne sais pas comment que ça se dit en fait. Réparateurs de vélo. Oui, voilà, des réparateurs de vélo. Et ben, tu sais quoi, c'est avec grand plaisir pour le bon plan. Et puis, si tu veux, on peut se rappeler la semaine prochaine. Comme ça, on pourrait dire à nos auditeurs si ça a fonctionné. Ah, ben voilà. C'est une bonne idée. Vendredi, tu vas là-haut. Si on trouve un réparateur, on te l'envoie directement chez toi. Et, à la maison, à domicile, pour réparer ton vélo qui déraille tout le temps, Paul. Eh ben, ça c'est cool. Merci Francky pour ce coup de main du matin. Bah, on essaye ce matin. En tout cas, bon courage pour le boulot. Merci. Et puis, bah, bonne continuation et puis bonne émission. Et Steve, hydrate-toi aujourd'hui parce que il va faire très très chaud, hein, aujourd'hui. Oui. Ouais. Merci. 35 degrés, t'imagines? Ah, il fait chaud, hein. Ah non, mais là, ça va être. Il va faire chaud. Ouais. C'est catastrophe. Parfait. Belle journée à toi. Bah, merci à toi. À très vite. À très vite. 02 38 43 48 00, c'est le coup de main du matin. Un petit coucou à Steph aussi qui est connecté sur Orléans. Salut Francky, belle journée sous le soleil. Bah oui, il démarre le soleil, 35 degrés aujourd'hui. Voici Marc Anthony et Vivir la Vida. Le coup de mât du matin sur le 96.2 FM. Sur la plage, coco Cali, ton corps si vague, sous ce cœur que j'imagine, un baiser nuit noire. Comme le dit Julien Doré, sur la plage, on s'y verrait bien ce matin. En tout cas, côté ciel, on se croirait un petit peu encore en vacances. Hein. Les températures au lever du jour sont plutôt pas mal, 16-17 degrés. On devrait frôler les 35 voire 36 degrés. Ça va être une matinée très chaude ce matin. N'hésitez pas à vous hydrater assez souvent. Hein. Il faut boire au moins 2 litres d'eau quand il fait très très chaud comme ça. Et profiter du beau temps parce que ça va durer et quasiment toute la semaine, au moins jusqu'à lundi. Ça, c'est la bonne nouvelle parce que le retour des orages, ce sera la semaine prochaine. Mais là, jusqu'à lundi, on est quasiment sous le soleil avec des températures qui vont frôler les 36 degrés samedi et dimanche. Voilà, histoire de bronzer un petit peu encore, de garder son bronzage, de peaufiner son bronzage après les vacances. Coucou à Pascal qui nous écoute sur le 96 de FM Orléans. Belle journée à toi, Francky, sous le soleil. Mode short ce matin pour aller au boulot. Après, ça dépend où vous bossez, dans quoi vous bossez pour aller en short. Ça, c'est pas mal. Le mode short avec les tongs encore en mode vacances. 02 38 43 48 00. Vous nous appelez pour le coup de main du matin, comme l'a fait Paul tout à l'heure. Si vous avez besoin d'un petit coup de main, lui, il avait un petit problème avec son vélo. On va essayer de lui trouver une petite solution. Et si vous aussi, vous avez un problème, hein, vous cherchez peut-être une nounou, peut-être un médecin, peut-être un dentiste, je ne sais quoi, et bien vous m'appelez 02 38 43 48 00, et peut-être qu'on aura la solution au bout du téléphone avec nos auditeurs qui nous écoutent dans les voitures. Ouais, peut-être qu'il y a un médecin, peut-être qu'il y a un dentiste, peut-être qu'il y a un réparateur de vélo qui nous écoute, et puis ça va vous rendre service, j'en suis sûr. Et Chopin la call pas, ça arrive, c'est Louis Fonzi sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée et bon réveil. Hey Fonzi. En esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. existe nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu rol solo fue conocerme. Francky vous file un coup de main en direct sur 96.2 FM. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. c'est la bamba. Passez-moi une petite guitare. Olé, olé. Ah, ça fait du bien de jouer de la guitare le matin comme ça, surtout quand on conduit. C'est dangereux. Je vous rappelle, c'est dangereux. On ne joue pas de la guitare au volant. Belle journée, bon réveil sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. C'est le coup de main du matin. Francky, le coup de main du matin sur le 96.2 FM. Bah oui, 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Si vous voulez qu'on vous file un petit coup de main, vous avez un souci, vous cherchez, je ne sais pas moi, une nounou, tiens, pour ce week-end, vous allez peut-être au resto en famille, et puis bah les enfants, vous les laissez un petit peu de côté, ils sont tout petits, vous les laissez regarder, et bien vous m'appelez 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard, et on va vous filer un petit coup de main. On sera sur la Loire dans quelques minutes, avec le bonimenteur, le compteur de Loire, Sénabom sera au téléphone avec nous depuis un beau bateau d'ailleurs. Ils sont au Toureil, si je ne me trompe pas. Le bonimenteur que vous connaissez sur France, sur Radio Arc-en-Ciel Orléans, qui vient régulièrement nous voir, et on sera avec lui depuis un beau bateau. Vous allez voir, il va nous expliquer où il est, et en ce moment il fait la remontée de la Loire depuis le 1er septembre pour l'arrivée à Orléans le 20 septembre. Ah, on aura plein de nouvelles, et en direct en plus de la Loire, en espérant qu'il ne fasse pas tomber son téléphone dans la Loire. Belle journée, 8h03 sur Radio Arc-en-Ciel avec Céline Dion qui arrive, J'irai où tu iras. J'irai où tu iras. Eh bien, on y va. On va sur les bords de la Loire avec Sénabom qui est avec nos téléphones. On l'accueille. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Quel invité du jour et quel aventurier. Bonjour Sénabom. Bonjour les amis. Bonjour Franck. Ça va, on dirait Tom Sawyer un petit peu, l'aventure. Alors à Tom Sawyer, pas propre, pas rasé. Ah bah c'est ça, aventurier, t'as choisi mon ami, hein. La radio, c'est commode. Personne... Parce que tu me dis, je vais me raser pour la radio, mais bon, on va pas pour te voir, mon ami. Ah non, mais c'est les détails. Hein. Bien sûr, il faut des détails. C'est super important, le détail. La remontée de la Loire. Les poils en 4 et les poils de barbe, je n'en veux pas. Exactement. La remontée de la Loire, ça a démarré le 1er septembre, c'est jusqu'au 20, l'arrivée à Orléans. Tu es où, là, Sénabom? Nous sommes au Toureil, c'est un des plus beaux villages de Loire, ça, il faut l'avouer. Ouais. Tout près de Gênes, donc Gênes est c'est un des ponts sur la Loire, il n'y en a pas énormément, et on se dirige vers Saumur. Alors c'est vraiment une aventure là que vous vivez quand même, parce que tu me dis hier on a dormi à côté d'un terrain de tennis ou un stade de foot, je sais plus. Là où... Pas d'eau, pas de rasage, pas de douche, pas de WC, c'est vous êtes parti en aventurier là. Ah bah et les plus jeunes et les mariniers, eux, sont sur leur bateau, ils sont dans des conditions identiques, hein, y a pas de jaloux. Hein. Bien sûr, ouais. Mais nous la difficulté c'est qu'on traîne aussi une voiture, donc il faut faire des allers-retours pour. Parce qu'il y a tout le matériel son. Je suis accompagné de deux artistes teutoniques, franco-teutoniques. Alors, quelle est la prochaine destination ce soir? Vous serez où? Ce soir, c'est Saumur. Ah, là, Saumur. Il y a une étape midi à Gênes. Il y a du bon vin à Saumur. Là, en fait, on n'a pas quitté des vignobles. Hein. Ouais. On avait d'abord les vins de Savonnières. Avant, ils ont eu les coteaux d'Anceny. Ouais. Là, on va se diriger vers les vins de Saumur. Puis après, il y aura les vins de Touraine, du Blaisois. C'est une rivière à vin, d'abord. À consommer avec modération, plus, bien sûr. Plus chaos, parce que l'étiage est quand même... redoutable et la navigation hyper compliquée. Alors depuis justement tu m'as volé la question depuis le départ le 1er septembre, comment se passe cette navigation sur le fleuve, la Loire? La navigation se passe bien plus facilement ici puisque nous sommes sur une Loire balisée. C'est-à-dire qu'il y a des bouées rouges et vertes pour indiquer l'endroit où passer. Ah d'accord. Jusqu'à Bushmen. Jusqu'à l'endroit, la confluence entre la Maine et la Loire, c'est un balisage officiel fait par Voie Navigable de France, puisque la Loire était navigable officiellement parce que des pétroliers portaient du pétrole à Bushmen. Est-ce que la Loire est dangereuse, Sénabom? La Loire a des quelques pièges qu'il faut apprendre à connaître. Seuls ceux qui interdisent de s'y baigner par principe de précaution la prétendent dangereuse. Elle ne pardonnera pas des erreurs grossières pour qui ne la connaît pas, mais qui la connaît ne se met pas en danger. Mes camarades se sont baignés plusieurs fois dans la... Oui. Trois fois dans... parce qu'il faisait très chaud hier. Oui, aujourd'hui aussi il va faire très chaud. Ils savent où ils le font et ils se trempent. Oui, on il peut faut dire que la Loire c'est pas fait pour y nager. Exactement. On y nage que dans un sens. Alors c'est d'abord, on te connaît comme bonimenteur, conteur de la Loire. Est-ce que pendant tout ce trajet justement de la Loire jusqu'au 20, tu nous fais des petits contes, des petites chansons, des petites chansonnettes? À l'arrivée, moi j'ai le véhicule. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais je démarre en bateau comme mes camarades. D'accord. Et mon canoë est accroché à un des bateaux. Ah oui, carrément. Arrivé un peu avant la mi-parcours, je décroche, je récupère le canoë pour redescendre, pour refaire à l'envers le chemin que je viens de faire. Ouais. Retourner au point de départ pour récupérer la voiture, recharger le canoë sur le toit. Ah oui, quand même. Emmener tout ça à l'arrivée, de façon à pouvoir commenter pour les gens l'arrivée des bateaux. Tu veux nous préparer des beaux contes, là? Tu travailles un petit peu là-dessus? Donc il y a la partie commentaire, j'explique, je réponds à leurs questions, et à chaque fois, il y a beaucoup de questions, et les gens sont en face de la Loire et la connaissent pas bien, mais ont envie de la connaître, ses poissons, ses oiseaux, son histoire, ses mouvements, ses crues, ses étages. Et puis après, quand arrivent mes deux camarades, Jacques Duval... guitare, chant et Roanne Lebard, cornemuse, flûte, guitare, chant, corne de brume. Eh bien, on fait un numéro qui sera au Festival de Loire sous le titre Les Souffleurs de Vent, oui. Où il y a des chansons, des fables et des contes. Est-ce qu'il y a du public qui vous accueille à chaque étape, qui vous font signe, qui prennent des photos, oui, qui... Alors là, vous êtes des stars un petit peu, des stars du fleuve de la Loire. Non, on n'est pas des stars, mais ceux qui sont les stars, ce sont les bateaux et la Loire elle-même. Et les gens savent que l'événement arrive et ils sont nombreux. Et ils sont là, ils sont au rendez-vous. Au village, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Mmh. Comment est votre bateau? On peut le décrire un petit peu, c'est nabob, là? Ah bah, il y a plusieurs types de bateaux. Ce sont essentiellement des toux et des futraux. Oui. Donc, c'est des petits bateaux. Là, tu me parles technique, là. Toux et futraux, pour moi, c'est... Et ben, le futraux, c'est un bateau qui a les deux bords relevés, les deux pointes. Mmh. Et la légende veut que ça soit fait avec des douelles, mais enfin, c'est pas tout à fait exact, et c'est pas grave. Et des douelles de défus, hein, d'où ouais. Le mot fuco. D'accord. C'est la petite mobilette du gars de Loire, le petit bateau pour... Vous êtes c'est sur pas la barque, elle cupe là. Hein. D'accord. Le fuco a le cul relevé. Ah bon, on en apprend des belles ce matin, en et direct. La toux, c'est un bateau plus conséquent, autour de 12, 13, 14 mètres, qui sert de travail à l'époque. Ouais. C'est un bateau de travail pour ramasser le sable, pour aller à la pêche, pour passer les gens, oui. Pour transporter des animaux. Donc ceux qui sont sur les toux ont un peu plus de place. C'est le cas de mes deux camarades qui sont sur une toux pour répéter leur tour de chant. Oui. Moi, je suis sur un petit futreau qui s'appelle le Grand Rocher, qui nous vient de Bouchemaine, de la Poissonnière exactement, et qui on est quatre et un chien. On n'a vraiment pas de place pour bouger. Hein. C'est tout petit alors. Et tout petit. C'est d'abord avant de vous laisser naviguer sur ce beau fleuve la Loire. Un petit mot, une petite phrase, un petit conte rapide. Tu as ça en mémoire? En mémoire, oui, mais rapide. C'est... Bon, rapide, histoire de nous faire un peu, de donner l'eau à la bouche pour votre arrivée le 20 sur Orléans. Histoire j'aimerais de... tant vous parler d'elle, de ses habits de lumière, des reflets qui la font si belle dans les yeux des lavandières. Voilà, ça suffira. Hein. Et ben voilà, en tout cas, ça nous donne envie. Et puis, si vous êtes du côté de Le Tourail, Saumur. Le Tourail aujourd'hui et demain, ce soir, le Saumur. Ben oui, donc si vous êtes sur le trajet, il faut regarder. Il faut regarder les bateaux qui passent. Et Sénabom voilà. Vous fera un petit coucou comme ça avec la main, Sénabom. D'accord, ben c'est gentil. Et Sénabom, plein de belles choses, parce que là, c'est vraiment une belle aventure quand même. Hein c'est une aventure. Un bonjour à tes comparses. Je vais écouter, puis il y aura d'autres appels, non, sur la route? Ah, oh, bah oui, on va essayer de t'en rappeler, il n'y a pas de problème, voilà. Sénabom. Eh ben, il n'y a pas de souci, donc il y en a un des deux qui prendra le relais. Tant que le bateau n'a pas coulé, on vous appelle. Oui, là, c'est parfait. Merci, Sénabom. Belle journée. Au revoir. En direct ce matin, Sénabom, depuis le fleuve de la Loire. Et c'est la remontée de la Loire jusqu'au 20 septembre. Et puis après, ils arriveront à Orléans et ça va nous faire plaisir de les accueillir. Quelle aventure quand même. Quelle aventure. 8h14 en direct avec les Rolling on the Fires sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée et bon courage si vous avez le temps ce matin. matin, Francky vous file un coup de main en direct sur 96.2 FM. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Bésame, bésame, bésame otra vez, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, besame un poquito. Besa, besa, besa, besa, besame otro ratito. Siento en el aire, por eso cuando te veo comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you do to me, but keep it suavemente. Ciel 8h20 avec le son latino, Elvis Crespo, Suavemente. C'est vrai que ça va avec les températures aujourd'hui, hein. Jusqu'à 35 degrés, du soleil, encore du soleil, et ça va perturber toute la semaine. Profitez parce que la semaine prochaine, je regarde un petit peu sur Météo France, le retour des orages. Les bons plans de la passerelle, ça arrive. Avec Arc-en-Ciel, voici les bons plans de la passerelle. Et toujours des bons plans le matin sur Radio Arc-en-Ciel. Si vous cherchez du boulot, ben voilà un bon plan. Le 26 septembre, à la salle de la passerelle à Fleury-les-Aubrais, 2000 emplois, 2000 sourires. Ton job, c'est ton choix. Si vous êtes à la recherche de boulot, eh bien venez avec votre CV. Peut-être que vous allez rencontrer votre futur employeur. À 2000 emplois, 2000 sourires. Ne pas rater. Ça démarre à 9h30 jusqu'à 16h30. Peut-être un job à la clé pour vous ce 26 septembre à partir de 9h30, et c'était la passerelle à Fleury-les-Aubrais. Barry White qui arrive, et puis Lucenzo avec Wine Up. Belle journée et bon réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada. ce que j'avais en moi. Votre réveil matin, c'est Francky. Et avec le coq, s'il vous plaît, cocorico, belle journée. Bah, vous êtes déjà réveillé ou alors vous faites la sieste, hein. Encore la matinée ne fait que commencer pour ceux qui n'ont pas d'école aujourd'hui. Bah, pas d'école pour les enfants, vous travaillez peut-être pas, vous êtes en repos, vous les gardez. Eh bien, belle journée sous le soleil, 35 degrés aujourd'hui, ça va faire du bien au moral. C'est vrai que quand le soleil est là, moi j'ai la patate le matin. Déjà le matin, quand j'arrive à la radio, le soleil pointe son bout de nez, ça me donne déjà la pêche dès les matins, comme ça. Et il y a des gens encore généreux sur cette planète et ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. Et là, c'est le chanteur Drake qui s'y colle. Il a offert 50 000 $ à un fan la semaine dernière en plein concert à Las Vegas. Le rappeur a été ému par la pancarte d'un spectateur qui avait acheté ses billets avec l'argent prévu pour se meubler. Ému, touché, et bien Drake lui a offert 50 000 $. Ouais. Ça, c'est pas mal, pas mal. Merci, monsieur Drake. Et là, je pense que le jeune fan a passé une belle soirée, puis une après-soirée superbe encore. Bonne journée sur Radio Arc-en-Ciel. 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard, si vous voulez nous joindre, pour le coup de main du matin, comme tout à l'heure, Paul, on lui a filé un coup de main pour son vélo qui était en panne, qui déraillait tout le temps. Eh bien, on a trouvé la petite solution. Eh ouais, on trouve toujours une solution. Besoin d'un coup de main. 02 38 43 48 00. Le son de Barry White qui arrive. Ah, ça va vous rappeler quelques bons moments. Barry White qui nous a quittés, je regardais il y a presque 15 ans. Ça passe à une vitesse. Let the music play sur Radio Arc-en-Ciel. Let the music play on. Just to see. matin, Francky vous file un coup de main en direct sur 96.2 FM. Make this night be the best trip. If I'm a set list, cannot forget this. Just take this girl and flex this. Boom flick, wanna pull and bless this. We not bet this girl, just let this energy come shock like electric. Ooh, bye bye, ayo. Baby, wind up, ayo. National party animal. Let me tell you about who this dude is. Sur Radio Arc-en-Ciel, ça me donne envie de retourner en vacances, ça, au bord de la piscine, là, avec Lucenzo et Sean Paul. Wine up, belle journée sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel, et ça fait plaisir. Aujourd'hui, jusqu'à 35 degrés. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis le soleil va briller aussi le 16 et 17 septembre prochain. Les Santos Populaires, la grande fête de Radio Arc-en-Ciel, ça va se passer au parc de Lignerolles. L'entrée est totalement gratuite avec une pléiade d'artistes, de DJ aussi. Prince Tuga sera là, Léon Cro sera là, Capanegra seront là, Luis Manuel, les Bambos Soleil de Portugal, les Bambos Amigos de Portugal, enfin un bon week-end qui s'annonce festif avec du soleil, et on peut vous dire qu'il y aura une belle ambiance le 16 et 17 septembre prochain. C'est au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais, un événement Radio Arc-en-Ciel à ne pas louper. Le son qui arrive, on est à l'ancienne, ah ça j'adore, sous la boule à facettes de la radio, Oliver Cheatham avec Get Down Saturday Night, et Fabian et One Mile. Belle journée, courage à vous hein, si vous allez bosser ce matin. Pas d'écharpe hein, pas de bonnet hein, le short, les tongs, c'est le programme de cette matinée. Oh, de chance que tu puisses l'amadouer. Elle garde le contrôle, c'est une évidence. Quand elle baila, c'est elle qui mène la danse. Même les femmes autour n'ont plus aucune chance. On serait fou de croire en son innocence. Elle me rend fou. Elle influe un sourire qui sauront te charmer. Elle garde le contrôle, c'est une évidence. Quand elle baila, c'est elle qui mène la danse. Même les femmes autour n'ont plus aucune chance. On serait fou de croire en son innocence. Elle me rend fou. Du matin sur le 96.2 FM. 7h41, il y a la boule à facettes là qui tourne dans les studios de la radio Arc-en-Ciel. Elle tourne très vite même. Oliver Chisholm, Get Down Saturday Night. Et quel souvenir. Et à Rome en ce moment, il fait 41 degrés. Bah justement, il arrive de Rome avec un nom plutôt à rallonge au début. Hein, son producteur lui a dit qu'il faut le raccourcir. Eros, Luciano, Walter Ramazzotti. Eh bien, il l'a raccourci. Voici Sebastiano Canzone. C'est Eros Ramazzotti, Forza Italia. Belle journée avec le soleil de Radio Arc-en-Ciel. Un milione di volte bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di. Radio Soleil, dès 7h, avec Francky. Laissera nos clés, nos cartes et nos corps, prison pour nous. La météo. Allez, Rachel, la météo pour ce matin. Eh bien, le ciel est ensoleillé. Ça fait du bien. Du soleil toute la journée, d'ailleurs toute la semaine, au moins jusqu'à lundi. Le soleil sera bien présent sur Orléans, Pithiviers, Saint-Jean-de-Bray ou encore Olivier. Un petit vent ce matin, 11 km/h, ça va, c'est pas mal, c'est pas mal quand même. Vous allez pouvoir faire bronzette, vous qui êtes en repos, peut-être le mercredi après-midi pour garder vos enfants. Eh bien, la piscine, pourquoi pas, piscine qui sont encore ouvertes. Eh bien, voilà, un petit moment sympathique. Jusqu'à 35 degrés aujourd'hui. Et il va falloir vous hydrater et encore vous hydrater toute la journée. Pensez à boire minimum 1,5 litre, 2 litres d'eau, voire plus par jour, surtout en ce moment avec cette forte chaleur. Et puis pensez aussi aux personnes, vous savez, âgées que vous connaissez, qui sont un peu isolées, allez les voir si tout va bien, s'ils ont le petit ventilateur, s'ils ont de l'eau, etc., etc. Ça leur fera plaisir en plus, un petit coucou comme ça, ça fait toujours plaisir. Caméléon qui arrive avec Mass, et on aura aussi à l'ancienne les Fat Larry's Band sur la console. Belle journée, bon courage à vous si vous allez au taf, parce qu'il y a qui travaille quand même. Voici les Fat Larry's Band et Caméléon qui arrive. Mi corazón me pide más, nena, dámelo, baby. Mi corazón me pide más. FM. To Ça, je suis en train de me faire 2-3 pas de danse là dans les studios, oui, histoire de me rappeler quelques bons souvenirs avec vous. Belle journée sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel. Courage hein, si vous allez au boulot ce matin, il va faire chaud, très chaud, donc n'hésitez pas à boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, c'est super important. Je vais vous retrouver demain, 7h-9h, le coup de main de Francky. Si vous avez besoin d'un petit coup de main, eh bien vous m'appelez 02-38-43-48-00. On a rendu un petit coup de main à Paul aujourd'hui, ça lui a fait plaisir d'ailleurs, hein, son petit vélo qui avait des problèmes, on a trouvé la solution. Vous cherchez une nounou, un électricien, je sais pas, peut-être un VTC, peut-être un nouveau médecin, eh bien le matin vous nous appelez et on lance l'appel et peut-être qu'un auditeur, une auditrice vous écoutera et vous filera un coup de main. 7h-9h, Francky dans la radio, c'est le coup de main du matin. Demain, rendez-vous en pleine forme à 7h avec le soleil qui sera encore là. Belle journée à vous, sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Et où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles.